Le lendemain, Rastignac fut éveillé sur les 2 heures après-midi par Bianchon. Les deux jeunes gens entrèrent dans la chambre où gisait le vieillard. « Se sont-elles bien amusées ?» dit le père Goriot, qui reconnut Eugène. « Oh, il ne pense qu'à ses filles, » dit Bianchon, avant de descendre pour le dîner. Rastignac resta seul près du vieillard, assis au pied du lit, les yeux fixés sur cette tête, effrayante et douloureuse à voir. Les images de la fête à laquelle elle avait assisté se représentèrent à son souvenir et contrastèrent avec le spectacle de ce lit de mort. « Ah, c'est vous, mon cher enfant, » dit le père Goriot. « Allez-vous mieux ?» demanda l'étudiant en lui prenant la main. « Oui, j'avais la tête serrée comme dans un étau, mais elle se dégage. Avez-vous vu mes filles ? Elles vont venir bientôt. Elles accourront aussitôt qu'elles me seront malades. Elles m'ont tant soigné, rue de la Jussienne. Mon Dieu, je voudrais que ma chambre fût propre pour les recevoir. »